Evariste Ndikomanyanga. Nous sommes jeudi décembre 2021. Bienvenue à ce journal édition de la mi-journée. Donc voici d'abord le sommaire. Le 9 décembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale contre la corruption. Mais l'organisation Parsem trouve que le chemin est encore long pour combattre la corruption et les mauvaises actions économiques au Burundi, vous l'entendrez. L'autorité communale de Muhanga ainsi que le prêtre de la paroisse catholique Mubuga dans la même province de Kayanza croupissent dans la prison Homme d'Ongozi depuis hier. Ils sont tous accusés de viol et d'autres crimes connexes. Et l'ancien directeur général de l'urbanisme, Hamisi Nangiringura, confirme que la démolition des constructions anarchiques opérées ces derniers jours est une solution sollicitée depuis belle lurette pour éviter le désordre. Bienvenue à cette édition dont la mise en œuvre est assurée par Albert Douaille. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, l'organisation Parsem trouve que le chemin est encore long en matière de lutte contre la corruption et les malversations économiques au Burundi, compte tenu des irrégularités observées dans l'attribution des marchés publics et la surélévation des exonérations. Dans une conférence de presse de ce jeudi, Faustin Dikoumana, directeur national de cette organisation, dit qu'on ne peut pas combattre la corruption avec l'impunité. Selon lui, il faut d'ailleurs qu'il y ait un seul organe dans le pays chargé d'attribuer les exonérations. Suivez-le dans ses propos recueillis par Aline Bernibigit. Si vous voyez le manque à gagner qu'on a déjà perdu suite à certains marchés dont la passation a été mal organisée. Et vous savez, il y a par exemple la route Makem que vous souvenez, la route Rumonge avec MGCO, Kajé qui est actuellement, barrage de Manda, Tendora, des retards dans les projets de développement, il y a une zone économique spéciale qui n'a pas pu démarrer, des récents marchés à l'Otrapo pour la décentralisation des services de contrôle technique, les permis et les passeports, les marchés. Dans les entreprises publiques, régies des zones à terre des fois qui sont à la base des difficultés financières de ces entreprises. L'exonération est habituée, on s'accommode. Des exonérations mentionnées dans le budget, le montant de 18 milliards, alors qu'au niveau pratique, ça dépasse toujours 200 milliards. Et la situation est ainsi, malgré qu'il y a certaines normes de transparence contenues dans le code de marché public, j'ai pris l'échantillon des marchés du secteur des marchés publics et des exonérations qui prouvent que la lutte contre la corruption maintenant est encore au niveau embryonnaire. Parce que même la justice n'est pas encore parvenue à commencer à frapper fort. D'abord, au niveau des exonérations, il faut créer une structure unique qui contrôle les exonérations. Si les institutions devaient jouer leur rôle, application de la sur le code des marchés publics, le nouveau code des marchés publics, les choses peuvent avancer. Le problème, c'est que la culture de respect de la loi n'est pas là. Et malheureusement, la justice est dans l'inertie totale et ne parvient pas à frapper fort contre ce qui manque au respect de la loi. C'est ça l'on est du problème. Le 9 décembre de chaque année, donc, le monde célèbre la journée mondiale contre la corruption. Le rapport de Transparence internationale 2020 classe le Burundi à la 165e position sur 179 pays. Le Danemark vient en tête de liste alors que le Soudan du Sud vient en dernière position. Le même rapport de cette organisation militant contre la corruption dans le monde, celle au Burundi, note de 19, le mettant ainsi dans les pays les plus corrompus. Je vous le dis également en titre, la démolition des constructions anarchiques opérées ces derniers temps, c'est une solution aux multiples sollicitations des services de l'urbanisme d'alors pour rendre l'ordre sans succès. Ce sont les propos de l'ancien directeur général de l'urbanisme qui réaffirme que des croix de couleur rouge étaient déjà mises à certaines habitations à démolir il y a plus de 6 ans. Ambassadeur Amis Nangibingura trouve que ceux qui sont plutôt en train de construire dans de nouveaux quartiers devraient respecter les normes urbanistiques. Je vous propose de le suivre dans ses propos recueillis par Moïse Msako. Ce qu'on fait, j'estime que le gouvernement est en train de mettre en exécution. Beaucoup de correspondances adressées par les services de l'urbanisme à la population et à l'administration pour que les gens puissent construire conformément au plan établi par l'urbanisme. C'est en réponse à ces nombreuses correspondances que les services de l'urbanisme avaient adressées à l'administration à l'époque. Vous avez constaté que là où on casse, il y a des croix rouges qui ont été apposées au mur depuis, je crois que c'est plus de 6 ans que ces croix rouges ont été mises sur ces murs. C'était pour dire à ces populations de démolir eux-mêmes conformément au plan dont ils disposaient qu'il ne fallait pas dépasser les limites fixées par les services de l'urbanisme. Cela n'a jamais été fait. Et bravo, je félicite tout à fait le ministre actuellement. Pour moi, c'est une réponse aux nombreux appels faits par les services, mais qui n'ont jamais trouvé écho, ni auprès de l'administration locale, ni auprès des propriétaires et même des parcelles. On n'est pas en train de démolir les maisons, on démolit d'abord les dépassements, les excroissances aux parcelles telles que données par l'administration de l'urbanisme. Et l'État, aujourd'hui, récupère et ses droits. Oui, certains propriétaires de maisons démolies détiennent des titres de propriété, mais leurs maisons ont été démolies. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui amènent des documents. De Bouyenzi, là où on s'est fabriqué beaucoup de documents, des cachets. Et il y a des gens qui parlent de faux rapports de fonctionnaires qui travaillent mal. Il y en a aussi qui ont fourni des documents qui sont faux. Mais quand l'État se rend compte que ce document n'a pas suivi la réglementation, il est en droit de remettre ça en cause. Pour les constructions à venir dans ces nouveaux quartiers, que devrait être fait? Qu'il respecte le plan d'aménagement de cet endroit. Les plans sont numérotés, les routes sont connues, sont tracées, leurs largeurs sont connues. Que chacun se mette à l'intérieur de sa parcelle et qu'il respecte le règlement d'implantation qui est donné chaque fois. Avec l'autorisation de bâtir, on vous donne le règlement d'implantation, qu'il respecte cela. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Cap sur Chibitoke pour parler sécurité, un sexagénaire de la colline Rusororo, zone Kiramira de la commune Rugomba, province Chibitoke, a été sauvagement tué par des inconnus qui l'ont égorgé et lui ont lancé une grenade dans la nuit de ce mercredi. Le chef de zone Kiramira, qui confirmait les faits, indique que le mobile de cet assassinat serait lié aux accusations superstitieuses, mais que les enquêtes sont déjà en cours. Les détails avec Emery Kanyank. Adrienne Levivugire, attristée par la mort de son mari, fait savoir que son conjoint était accusé de sorcellerie à cette colline. Dans l'entourage, l'on demande que justice soit faite. Jean-Marie Douimana, chef de zone Kiramira, en déplacement dans cette localité, le matin de ce jeudi, était porteur d'un message de pacification de sa population après ces tueries. Il les appelle à collaborer avec les comités mixtes de sécurité et l'administration pour que de tels cas ne soient plus enregistrés. Tué à 20 mètres de son domicile, Jean Bosco Nahobari, 66 ans, est le deuxième dans les mêmes circonstances en moins d'une semaine, après une autre personne de la commune Butahana, en commune Mabayi, de cette province de Chibitoke. Merci à Mary Kanyang pour tous ces détails. Dans la même page, rendons-nous en province Muyinga où l'administration doit fortement s'impliquer dans la lutte contre les croyances obscures. L'appel est de Denis Ndaruhekeye, chef de cabinet du gouverneur de Muyinga, après que cette personne de Chibadi, en commune Muyinga, ont failli mourir calcinés par des individus qui les accusaient de sorcellerie. Et un phénomène qui s'étend sur d'autres communes où des tracts contenant des listes des sorciers sont trouvés, comme cela a été indiqué dans la réunion de sécurité de ce mercredi. Cette autorité recommande également le renforcement et la redynamisation des comités mixtes de sécurité, surtout en cette période de fin d'année. Pierre Clavin Barundi, depuis Muyinga. Le phénomène de chasse aux sorciers qui se fait remarquer dans certaines communes de Muyinga peut perturber la sécurité si rien n'est fait. Denis Ndaruhekere, chef de cabinet du gouverneur de Muyinga, l'a annoncé ce mercredi dans une réunion à l'intention du comité mixte provincial de sécurité au chef-lieu de la province. Au phénomène de sorcellerie, il faut rester vigilant parce que cela peut provoquer le chaos dans le pays. Vous trouverez par après des gens en conflit se taxer mutuellement de sorcellerie. et pour cause. Au cours de cette réunion, l'administrateur communal de Muyinga, Ahmed Misago, a fait savoir que cette personne de Chivari ont failli mourir la semaine dernière, accusée de sorcellerie. Il n'y a pas longtemps alors, nous avons appris que la population avait attrapé des sorciers en tous sept. Elle voulait les brûler à l'aide des feuilles de bananier et de l'essence. Denis Zendav Hekere demande à tout un chacun de demeurer vigilant, de renforcer et redynamiser les comités mixtes de sécurité à la base, surtout en cette période de fin d'année. À la fin de l'année, il y a beaucoup de phénomènes. C'est pour cela que nous devons consentir des efforts. D'autres phénomènes aussi peuvent naître. Des tracts ont été trouvés à Makiro et à Muyinga montrant des listes de personnes à tuer pour sorcellerie. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Merci à Pierre Claver Barundi de Muyinga Cap sur Ngozi pour parler justice. L'administrateur de la commune Muyinga en province Kayanza et un prêtre de la paroisse Mubuga dans la même province sont depuis ce mercredi locataires de la prison pour hommes d'Ngozi. Les deux sont accusés de viol et d'autres infractions connexes sur de jeunes filles distinctes. L'administrateur attend la confirmation de sa détention par la chambre de conseil de la cour d'appel d'Ngozi, n'est-ce pas, Apollinaire Moussakara? Comme mentionné sur le mandat d'arrêt, l'administrateur de la commune de Muyinga, Alambé Ndouimana, est poursuivi sur l'infraction de viol d'une jeune fille de 17 ans de la même commune. Il est donc pour le moment admis à la prison pour hommes de Ngozi pour la poursuite de fond d'hôte. Après 3 semaines d'audition au parquet de la République de Kayanza, l'abbé Émilie Kwizera est lui aussi locataire des sommes et crédits de la même maison de détention en plus du viol. Son moine est accusé aussi de tentative d'avortement et d'assassinat d'une mineure qu'il aurait engrossé, information contenue par le personnel du parquet général près la cour d'appel d'Ngozi et celui de cette crise. Leurs dossiers seront bientôt entendus en audience à la cour d'appel d'Ngozi. D'après la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, Sénadette Ansik, 34 de viols ont été enregistrés en province Kayanza ces 3 derniers mois et 47 cas en province Ngozi durant cette même période. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Sangani. Merci à Apollinaire Muzagara, mais vous nous excuserez de la qualité sonore de cet élément. Coopération à présent, le Burundi, le gouvernement du Burundi demande à l'Union européenne d'emboîter les États-Unis en levant les sanctions qui ont été prises contre le Burundi. La demande a été formulée par le ministre des Relations extérieures lors d'une séance de briefing à l'endroit des représentants du corps diplomatique ce jeudi. L'ambassadeur de la Hollande au Burundi a voulu savoir l'état des lieux des relations avec les voisins du Burundi. Le ministre Albert Shingiro a répondu qu'elles sont généralement bonnes et surtout que même celles avec le Rwanda commencent à s'améliorer, bien qu'il reste la question de remise des putschistes. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page société, la mauvaise planification des activités dans différents secteurs, dont l'environnement, la santé, sur la réduction de la pression démographique, empêche la population burundaise d'atteindre le développement durable. Évariste Ngaïmenda, professeur de l'université et spécialiste en démographie, dit que la sensibilisation et la formation est une étape importante pour la maîtrise de la démographie. C'était ce mercredi dans un atelier organisé à l'intention des jeunes sur la résilience démographique. Suivez le professeur Évariste Ngaïmenda. Compte tenu des conditions socio-économiques qui sont les nôtres, une agriculture très basique d'autosubsistance, sans aucun moyen de résister aux aléas, sans possibilité suffisante d'améliorer les rendements, la recherche agricole étant encore ce qu'elle est, une dégradation de l'environnement telle que nous l'observons dans le contexte où nous sommes, on peut dire que la pression démographique est un véritable défi, est une véritable contrainte pour le développement. Si nous n'apprenons pas à vivre autrement, à fonctionner autrement, à organiser autrement le développement de nos villes, à organiser autrement l'exploitation de nos terres, l'exploitation de nos forêts. Je pense que la croissance démographique dans ce pays devient un véritable défi. L'organisation de notre système d'habitat, l'organisation du système d'exploitation de nos ressources naturelles, spécialement les forêts, les matériaux de construction, etc. Eh bien, il faut qu'on comprenne que la situation est à un niveau absolument inquiétant. La réduction de la croissance démographique nécessite un travail de transformation des structures sociales, des structures économiques, des structures d'habitat, des modes de production tels que la maîtrise de la croissance démographique s'impose à tout le monde. Or, ce travail n'étant pas fait, en fait, très peu de choses contraignent la population burundaise à penser à une certaine maîtrise de son courroie démographique. Les propos du professeur Évariste Ngaïmenda ont été recueillis par mon confrère Jean-Marie Mayonga. Quelques brèves avant de boucler ce journal. Une flamme due à un défaut de chargement d'un téléphone mobile s'est déclarée dans une chambre de garde pour hygiénistes au rez-de-chaussée du bloc de maternité de l'hôpital public d'Urumonge la soirée de ce mercredi. Les employés de cet hôpital appuyés par la police et l'administration locale sont parvenus à maîtriser le feu qui avait déjà réduit en cendres un téléphone portable et son chargeur et une partie des matelas à l'intérieur de la chambre. Docteur Ernest Nditoreye, médecin directeur de cet hôpital qui appelle les employés et se fréquentant cet établissement de toujours veiller au bon état du matériel de recharge téléphonique. Le directeur de cet hôpital informe que le fonctionnement de cet hôpital a immédiatement repris après la maîtrise de ce feu. Et aujourd'hui, c'est la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la République unie de Tanzanie. Ce jeudi 9 décembre 2021, le vice-président de la République, Prosper Badzombanza, a pris le vol ce mercredi à destination de la Tanzanie pour se joindre aux Tanzaniens à célébrer cette indépendance acquise de la part de l'Angleterre. L'ambassade de la Tanzanie au Burundi a organisé une semaine d'exhibition pour connaître ce pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à Albert Ndouaille pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Évariste Ndzikobanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.